أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je me réfugie auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, celui qui fait largement miséricorde. الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. الرحمن الرحيم. L'infiniment miséricordieux, celui qui fait largement miséricorde. مالك يوم الدين. Maître du jour de la rétribution. إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi seul que nous adorons, et toi seul dont nous implorons l'aide. اهدنا الصراط المستقيم. Guide-nous sur la voie droite. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celle de ceux qui ont encouru la colère divine ni celle des égarés.